Je monte, je me déshabille, je lève la couverture et les draps, je tâte partout, pointe Justine. Cependant, Big, mon parrain, disait « Les enfants, les maudits enfants, n'en voulait-il pas encore un qui désole son père ?» Justine n'étant pas dans le lit, je me doutais qu'elle était dessous. Le bout, c'était tout à fait obscur. Je me baisse, je promène mes mains, je rencontre de ses bras, je la saisis, je la tire à moi. Elle sort dessous la couchette en tremblant. Je l'embrasse, je la rassure, je lui fais signe de se coucher. Elle joint ses deux mains, elle se jette à mes pieds, elle serre mes genoux. Je n'aurais peut-être pas résisté à cette scène muette si le jour l'eût éclairée. Mais lorsque les ténèbres ne rendent pas timides, elles rendent entreprenant. D'ailleurs, j'avais ses anciens mépris sur le cœur. Pour toute réponse, je la poussai vers l'escalier qui conduisait à la boutique. Elle en poussa un cri de frayeur. Bic, il entendit. Il rêve. Justine s'évanouit. Ses genoux se dérobent sous elle. Dans son délire, elle disait d'une voix étouffée. « Il va venir. Il vient. Je l'entends qui monte. Je suis perdu. »« Non, non, » lui répondis-je d'une voix étouffée. « Remettez-vous. Taisez-vous et couchez-vous. » Elle persiste dans son refus. Je tiens ferme. Elle se résigne. Et nous voilà, l'un à côté de l'autre. « Traître, scélérat, sais-tu quel crime tu vas commettre? Tu vas violer cette fille, sinon par la force, du moins par la terreur. Poursuivi au tribunal des lois, tu en éprouverais toute la rigueur réservée aux ravisseurs. » Je ne sais si je l'ai violée, mais je sais bien que je ne lui fis pas de mal et qu'elle ne m'en fit point. D'abord, en détournant sa bouche de mes baisers, elle l'approcha de mon oreille et me dit tout bas, « Non, non, Jacques, non !» À ce mot, je fais semblant de sortir du lit et de m'avancer vers l'escalier. Elle me retint et me dit encore à l'oreille, « Je ne vous aurais jamais cru si méchant. Je vois qu'il ne faut attendre de vous aucune pitié. Mais du moins, promettez-moi, jurez-moi, quoi, que Bigre n'en sera rien. » Tu promis, tu juras, et tout alla fort bien. Et puis très bien encore. Et puis encore très bien. C'est précisément comme si vous y aviez été.